discusión global, ¿verdad? Esta mañana vamos a ver las disfunciones neurales globales. Y con Cartier Bastille Manuel. Y la terapia manual. Donc, un petit rappel de ce qu'est un traitement postural. C'est donc deux choses qu'il faut toujours avoir en tête. On appelle donc le déparasitage et la neutralisation des dysfonctions nociceptives. Pour l'instant, vous aviez vu par exemple les épines irritatives de la pulpe plantaire. Pour ahora, lo que habéis visto son las espinas irritativas de la pulpe plantaire. Là, on va rajouter donc un parasite plantaire qui est le côté dysfonction neurale. Y vamos a añadir un parásito suplementario que es la disfunción neural. Donc, on va faire un déparasitage manuel. Vamos a hacer un desparasitaje manual. Vous faisiez, donc quand j'ai parlé des épines irritatives, c'était un déparasitage par l'intermédiaire de stimulation de SMEL. Quand on parle des espinas irritatives, c'est un déparasitage mediante elementos y plantillas posturales. En fait, on peut dire que tous les thérapeutes, quelle que soit leur profession, tout le monde fait du déparasitage. Y podemos decir que todos los terapeutas, no importa cuál sea su profesión, pueden hacer desparasitar. L'intérêt, donc, notamment des semelles pour vous, c'est qu'on peut faire, de donner une stimulation qui va être répétée. Et ça va être important quand on veut faire ce qu'on appelle la remédiation posturale. Y esto es importante cuando queremos hacer lo que llamamos la remediación postural. Et donc, on la fait par des stimulations posturales, donc au niveau des semelles. Por lo tanto, nosotros lo haremos mediante estimulaciones posturales que se realizarán mediante las plantillas. ¿Es que c'est clair pour vous pourquoi on doit faire une remédiation? ¿Está claro para vosotros por qué tenéis que hacer una remediación? ¿O necesitáis que haga alguna pequeña precisión? ¿Podéis responder? ¿Qué? Si voy a hacer precisión, así hacemos un poco de Vale. En fait, je prends toujours l'image de si on a un caillou dans la chaussure, par exemple. Él siempre toma el ejemplo de si tiene una piedra en el zapato. Évidemment, on va se mettre à boiter, à éviter d'appuyer sur cette zone douloureuse. Et en un momento dado, os vais a poner a golpear para evitar que vuestro pie caiga sobre ese elemento que molesta. Si ça a duré assez longtemps, si esto dura mucho tiempo, quand on va enlever le caillou, cuando vas a quitar la pierna, donc on a déparasité, on a enlevé ce qui venait agresser le corps, en ese momento se está desparasitando, estáis quitando aquello que está agrediendo al cuerpo, ça va aller mieux, mais en fait, le cerveau a quand même eu cette image d'agression et il va conserver la boîterie. En ese momento el cerebro, como ha pasado mucho tiempo, todavía tiene la imagen de esa agresión y mantiene lo que es el comportamiento que tenía cuando tenía esa agresión en el zapato. Entonces, beaucoup moins, mais il risque de rester des problèmes dont on ne va pas s'apercevoir si on ne fait pas attention. Mucho menos, pero se mantienen problemas que existían cuando tenía la agresión en el zapato. Donc en fait, il faut aller dire au cerveau, c'est bon, tu peux appuyer dessus, il n'y a plus de problème. Lo que tenéis que hacer es ir y decirle al cerebro, no pasa nada, ya está todo bien, ya te puedes apoyar tranquilamente. Donc c'est ça la remédiation, c'est qu'on va, une fois qu'on a enlevé le parasite, on va pouvoir repositionner, en tout cas demander au cerveau de repositionner l'ensemble du corps. Es esto lo que consiste la remediación, es quitar el parásito y poder decir, vale, ya está todo ok, ya puedes volver a tener el comportamiento normal que deberías tener. Et en pratique, c'est travailler sur le côté avant-arrière gauche droite. Y en práctica es trabajar sobre el aspecto delante-detrás, izquierda-derecha. Mais c'est là où on dit repositionner, c'est pas tout à fait vrai, c'est qu'on n'oblige pas le corps à aller dans telle ou telle position. No es obligar al cuerpo a ir hacia una u otra posición. Parce que imaginons qu'il y a un parasite qu'on n'ait pas vu. Porque imaginaros que tenéis un parasito que no habéis visto. Si on fait un traitement à viser, ah tiens, je dis le patient, il est trop en avant, je vais le reculer. Si vosotros pensáis en un tratamiento de, mira, es que el paciente está demasiado hacia adelante, voy a aventurarlo hacia atrás. Et s'il y a un parasite à l'arrière qu'on n'a pas vu, on risque de créer des problèmes. Y si tiene esa persona un parásito detrás que nosotros no hemos objetivado, vamos a correr el riesgo de provocar problemas. C'est pour ça l'importance et pourquoi on vous propose ces protocoles de faire toujours des tests. Es por eso la importancia y por lo que nosotros os proponemos hacer siempre los tests. Et pas juste dire ah tiens il en a avant, bah, je leur trouve c'est bon ou de vouloir le positionner. Y por eso no insistimos en vale si está hacia adelante lo que voy a hacer es tirarlo hacia atrás. C'est que si vous avez oublié le côté parasite, bah, dans les tests. Il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer, parce que le corps ne va pas accepter d'aller... Parce que si olvidáis los tests sobre los parásitos, cuando vosotros hagáis los otros tests, vos vais a encontrar que no van a funcionar. C'est pour ça que, avec la manière de travailler pour vous proposer, normalement, on ne peut pas faire de surcorrection ou de mauvaise correction, puisque c'est juste de la stimulation et qu'on vérifie ce que le corps veut dire. Por eso, cuando hagáis el protocolo que se os propone, no podéis hacer sobrecorrecciones ni hacer malas correcciones, porque es el cuerpo el que responde a los elementos, al plan de tratamiento que se le propone. Entonces, si no está bien y tiene algo escondido, el cuerpo va a decir, no, no funciona, esto no pasa. Por eso, on ne met jamais des éléments ou une semelle si les tests ne sont pas améliorés. Es por eso que no se pone nunca un elemento o una plantilla si los tests no mejoran. Donc, où vous en êtes là, peut-être parfois vous n'aurez pas la réponse de quel traitement mettre, ça peut arriver. Actualmente, quizá no tengáis la respuesta correcta, pero va a llegar. Mais, en tout cas, vous ne pouvez pas normalement poser de problème si vous faites bien toujours les tests. Y podéis... No tendríais que tener problemas con las plantillas porque la respuesta debería ser siempre respondida. Si no pasa, no pasa nada. Donc, petit rappel sur le système postural. Un pequeño recuerdo sobre el sistema postural. Des capteurs. Tenemos capteurs. C'est ça que nous on va informer, on informe des capteurs. Nosotros vamos a informar a captores. Que ce soit par les éléments semelles ou la thérapie manuelle. Ya sea por elementos o por terapia manual. On a des voies de conduction qui vont transmettre le message à la boîte noire. Vamos a tener vías de conducción que van a transmitir el mensaje a la caja negra. Et on observe le résultat. Y vamos a observar el resultado. Sur la stabilité et la posture. Sobre la estabilidad y la postura. Et on a donc à chaque fois des voies de conduction et des voies de conduction qui vont aller dans l'autre sens pour faire un feedback. Y después vamos a tener una vía de conducción para hacer un feedback de respuesta. Donc les voies de conduction les plus connues, en tout cas celles qu'on va développer pour l'instant, ce sont... Las vías de conducción más conocidas, las que vamos a desarrollar ahora, son... Donc le côté neural. Es el aspecto neural. Je dis les plus connus parce qu'on verra plus tard qu'il y a d'autres transmissions qui ne sont pas uniquement neurales. Son las que vamos a ver ahora, como veréis más adelante, hay otras vías de conexión que no son las neurales y que también existen. Voilà. Donc le fait de faire un traitement neural va nous permettre d'agir sur ces voies de conduction. El hecho de poder hacer un tratamiento neural nos va a permitir tener una acción sobre este esquema. Ce qui peut expliquer que parfois, ça a dû vous arriver par rapport à ce que vous connaissiez jusque-là, par rapport à ce qui s'avait là quand ils ont fait des examens mis des semaines, il n'y avait pas le résultat correspondant. Je n'ai pas pris de... Alors, tu vas l'en faire. Oui. si on a un problème sur les voies de production, si tenemos un problema sobre las vías de producción, eh ben, il est possible que la semaine n'ait pas l'effet que l'on espérait. Es posible que la plantilla no tenga el efecto esperado. Puisqu'on informe un capteur, mais si j'ai un problème ici, bah, le message ne va pas bien passer. Yo puedo informar a un captor, pero si el problema lo tengo en las vías de conducción, la información puede no pasar. Donc c'est pour ça que là, on va rajouter cet élément important. Es por eso que vamos a añadir este elemento importante. Qui va vous permettre de déverrouiller des situations. Que nos va permitir es desbloquear situaciones. Et permettre après une meilleure efficacité de votre traitement. Y entonces permitir una mayor eficacia de vuestro tratamiento de las terapias. Pour l'instant, ils ont vu la thérapie manuelle, le taux, la saturation, c'est ça. Les neurales, c'est le taux. Donc, dans le système postural, on rajoute. En el sistema postural, vamos a añadir. Donc le lien neural, hein, donc tout ce continuum la de nerfs. La relation neurale con todo el continuum neural que existe. Qui va donc du bout des orteils jusqu'à la tête et aux mains. Qui va desde la punta de los pies hasta la cabeza y la punta de las manos. Et on va voir que c'est vraiment un système, c'est-à-dire que s'il est perturbé à un endroit, il peut perturber tout l'ensemble à d'autres endroits. Y veremos que realmente funciona como un sistema que si perturbamos en un punto, puede perturbar en otro punto cualquiera del sistema. Il est très fréquent chez les gens qui ont par exemple un canal carpien. Es muy frecuente en gente que tiene, por ejemplo, un canal carpiano, túnel carpiano. D'un côté. De un lado. Et ben, très souvent, ils vont avoir un peu plus tard celui de l'autre côté. Es muy frecuente que después tengan un problema del túnel carpiano del otro lado. Les chirurgiens sont contents, c'est pour ça qu'ils savent qu'ils vont opérer. Los cirujanos están muy contentos porque saben que luego van a operar el otro lado. Mais souvent, ces patients-là, ils ont aussi des problèmes, peut-être de morteur. Pero también esos pacientes es muy posible que tengan un morteur. Et en fait, on s'aperçoit que c'est plus une sensibilité neurale d'ensemble qu'un problème local. Entonces, si se observa ese paciente, podemos observar que es más un problema de sensibilidad del conjunto que un problema de sensibilidad local. Il va falloir ouvrir un peu plus cette vision de ne pas raisonner localement. Y tenemos que abrir un poquito la visión para no razonar de manera local, sino de manera global. Il y aura des études qui nous permettent de comprendre à la suite. Van a haber estudios que van a permitir comprender todo esto. Donc, déjà, par rapport au côté donc nerf, donc ça vous parle de la moelle épinière. Desde el punto de vista del nervio, ya conocéis la médula espinal. Qui donc après va émerger donc des racines nerveuses. De la cual van a émerger raíces nerviosas. Donc on a le nerf en lui-même, la gaine qui est autour. Tenemos el nervio por sí mismo y la vaina alrededor. On va voir que en fait, le tour est très important pour nous. Il va être le tour. Le tour, c'est le tour. Ah, donc, vous allez voir que ce qui envuelve est très important pour nous. Ce qui envuelve le nerf. Et se rappeler aussi, parce que tout le monde a bien en tête qu'il y a une commande musculaire du nerf. Debéis recordar, porque todo el mundo tiene bien presente que existe una orden muscular que proviene del nervio. Mais en fait, on a des rameaux donc cutanés. Pero también vamos a tener ramas cutáneas. Des rameaux articulaires. Ramas articulares. Et périostées. Y ramas periósteas. Periósticas. En fait, il faut, devant toute douleur, quelle qu'elle soit, entonces, delante de n'importe quel dolor, de l'origine que tenga, n'importe l'origine que tenga, il faut commencer par se poser la question, n'y aura-t-il pas une origine neurale? Debemos siempre preguntarnos si hay un origen neural. Et quand on va bien chercher, en fait, très souvent, une douleur dite articulaire, entonces, cuando buscamos bien, por ejemplo, delante de un dolor que podríamos determinar como articular, en fait, c'est le rameau nerveux articulaire qui est en cause. de hecho es la rama neural articular la que está implicada. Et en traitant ce rameau, ben, on va améliorer ou traiter la douleur. Y tratando esta rama, vamos a mejorar este dolor articular que tenía la persona. Alors, je vous parlais de l'enveloppe. Os va a hablar de del envoltura. Envoltura. ¿Eh? Envoltura. Envoltura. Os va. Sí. No, no, perdón. Yo fui la definición, pero no. No. Yo sé. Alors, en fait, un nerf. Tenemos un nervio. Il est lui-même innervé. Y el nervio está, pues, él también está inervado. Parce qu'on appelle le nervi nervorum, le nerf du nerf. Y este nervio que inerva al nervio se llama nervi nervorum. ¿Puedo repetir? Sí. El nervio que inerva al nervio se llama nervi nervorum. Este es el nervio. Es el nerf du nerf en latín. Es el nervio del nervio en latín. Et aussi, il est donc. Il est. Ah non, non, c'est moi qui. C'est le mot. Irrigado, j'ai compris. Parce qu'on appelle le bassin nervorum. Si, el nervio también está irrigado en sí mismo por el bassin nervorum. Et on le verra plus tard, c'est pareil pour les vaisseaux. Il y a le nerf du vaisseau, le. Y en la periferia, pasan muchas cosas. Por ejemplo, a nivel de las arterias, a nivel de los vasos sanguíneos, nos vamos a encontrar exactamente lo mismo. La arteria tiene el vaso que irriga a la arteria y tiene el nervio que inerva a la arteria. Et alors, ce qui est important là de bien retenir, c'est ce côté, ça se situe en périphérie. Et lo que debéis recordar es que esto se sitúa en la periferia. Donc c'est ça qui va nous intéresser de stimuler. Esto es lo que nos va a interesar estimular. Et pas forcément le nerf en lui-même. Y no forzosamente el nervio por sí mismo. Parce qu'en fait, si on comprime un nerf, on le comprime à ce niveau-là, on va avoir une action sur le nerf du nervorum. Porque si comprimimos a este nivel, vamos a tener una acción sobre el nervio nervorum. Qui lui va commander donc la dynamique du nerf. Que va controlar la dinámica del nervio. Et si on va plus profond, là on va être plutôt sur une agression, entre guillemets, une compression du nerf. Y si vamos mucho más allá, nos vamos a situar sobre una agresión, sobre una compresión sobre el nervio. Donc voilà, c'est écrit là. Donc le nervi nervorum ne dépasse pas le périnerve, donc l'enveloppe du nerf. Et lo que dice, bueno, lo tenéis todo. Le périnerve, c'est ce qui est autour du nerf. Non, c'est la page du livre dans lequel c'est. Nos va a ir super mal porque si hay un texto escrito no lo voy a leer porque perdemos muchísimo tiempo. Entonces, sí, los nervios nervorum no van a sobrepasar el perineuro, pero es explicar, es decir, lo que ya he dicho. Más que nada es importante que tengáis los apuntes porque lo que es un bloque no lo voy a traducir, porque si no se hace súper lenta la traducción. Venga, el crecimiento es T54, crece la montura. El T54 es que lo ha sacado de, una, de un libro que está en la página 54. Perineuro. Son las vainas que envuelven al nervio, tiene cada uno, es el perineuro, el endoneuro, o sea. Entonces, el nervi nervorum no sobrepasa el perineuro, se queda en la parte externa. Es superficial al nervio. Alors, donc. Donc le nerf, quand un nerf au niveau du pied, notamment les nerfs figuraux. oculaire. Si tomamos los nervios del pie, por ejemplo, los nervios fibulares a nivel del pie. Les fibulaires, c'est du côté latéral du pied. Los fibulares, recordar que están a nivel lateral del pie. Donc, ils vont être retirés. Ils vont être retirés lors de mouvements d'extension et de supination. Los nervios fibulares van a ser, no sé, con los peroneos, se van a ver estirados, es lo que preguntaba antes Ana, ¿cuándo se van a ver estirados? Pues aquí se van a ver estirados en movimientos de extensión y de supinación. Par exemple, un mouvement pathologique de supination ou d'extension, ça serait quoi? ¿Qué movimiento de supinación extensión es patológico? ¿En qué momento se produce de forma patológica un movimiento de extensión supinación? No es 15. Bien. Mais également. Pero también. Si on regarde donc une marche ou une chaussure à talons. Mirar en una en caminar o unas zapatos de tacón. Ça vient. Créer des étirements du nerf. Esto va a provocar estiramientos del nervio. C'est pas forcément pathologique. No es forzosamente patológico. Mais c'est quand même une petite sensibilisation du nerf. Pero es una pequeña sensibilización del nervio. Donc s'ils sont un petit peu lésionnels, ça peut potentialiser une dysfonction. Pero si están un poquito disfuncionales, van a potencializar realmente una disfunción patológica. Par exemple, je sais pas si on a l'habitude de mettre des talons de 4 cm et puis que. Si tenéis la costumbre de poner los tacones de más de 4 cm, mucho tiempo, muchas veces. Ouais, enfin, bien, 4 cm, donc en fait, les nerfs sont lésionnels, mais à 4 cm, tout va bien. Entonces, con 4 cm, los nervios están en un estado disfuncional, pero de momento se mantiene, está ahí bien, controlado. C'est un exemple, en fait. C'est un exemple, ouais. Enfin, c'est pas une valeur. Et non, c'est un valeur réel, c'est un exemple. Pour les 4 cm, comment on peut les poner? Une journée, on met 6 ou 7, enfin, au-dessus. Et un día, si os ocurre poner 6, 8 ou más. Et ça peut suffire à déclencher cette fois une pathologie. Et donc, esto puede ser suficiente para desencadenar una patología. Et bon, quand vous allez poser des questions, on n'a pas forcément dit, on va mettre une journée, j'ai mis des talons un peu plus lourds. Le podéis preguntar a la persona y sí puede ser consciente de deciros, bueno, sí, un día me puse tapones un poquito más altos. Mais ça peut suffire sur un terrain déjà sensibilisé à déclencher ser, une. Esto puede ser suficiente para provocar sobre un terreno que ya está sensibilizado, provocar una disfunción. Et qui va peut-être perdurer même si on redescend. Y que puede perdurar realmente incluso si retiramos los tacones, en lo que ha desencadenado la disfunción. No, puede mantenerse. Porque era un terreno que ya estaba predispuesto, le has puesto los tacones, se provoca la disfunción y aunque tú quites los tacones, se va a mantener la disfunción. Parce qu'en fait, on le verra après, mais. Un nerf lésionnel ne revient pas à la normalité de manière facile et simple. Parce que un nervio está disfuncional no vuelve a la normalidad de manera sencilla, no vuelve por él mismo, hay que ayudarlo y tomar su tiempo de volverlo a la normalidad. Donc voilà, alors cette étude est très très intéressante pour comprendre un peu comment fonctionne le système neural. Este estudio es muy interesante para entender cómo. On a donc regardé les vitesses de conduction motrice du nerf fibulaire profond. Se miró, se estudió la variación de la velocidad de conducción motriz del nervio fibular común, pero no común. Après en torse. Después de un esguince de dos. Donc, on regarde. Donc, vous voyez déjà. Donc, ça, c'est une jambe. Normal, la conduction normale du nerf, 48. Aquí vemos el grupo control en una persona normal que dio un valor de 48. Donc, quand on s'est fait une entorse, cuando on voit que la conduction est diminuée. Cuando se hace un esguince, veis que la conducción está disminuida. Et si on regarde donc plus d'un mois après, c'est toujours diminué. Y si miráis más de un mes después, siempre se mantiene disminuida la conducción alterada. Peut-être que il n'y a plus de douleur, c'est possible. Es posible que ya no tenga dolor. Mais en fait, il y a toujours une dysfonction. Pero siempre hay una disfunción. Alors parfois c'est toujours heureux, ou alors ça va récidiver, ça va pas être stable à cause de ce problème d'ordre. Quizá lo que va a provocar es que tenga recidivas o que este tobillo se mantenga inestable. Mais ce qui est extrêmement intéressant, pero lo que es muy interesante, c'est que si on regarde de l'autre côté où il n'y a pas eu d'entorse, es si miramos el lado contrario en el que no ha tenido una esguince, regardez, c'est perturbé de la même manière. Está perturbado de la misma manera. Ça, si on raisonne localement, on ne comprend pas bien. Si se razona de manera local, pues no lo vamos a entender bien. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quand il y a une information de notre susceptif sur une branche neurale. Lo que hay que entender es que si tenemos una información nociceptiva sobre una rama neural, il y a une répercussion sur l'ensemble du système. Vamos a tener una repercusión sobre el conjunto del sistema. Et quand c'est suffisamment important, y cuando es suficientemente importante, ça peut bloquer tout le système. Esto puede bloquear todo el sistema. Al otro peronio, al otro nervio del otro lado. Voilà, là cette étude-là, elle a étudié ça. Este estudio justo solamente ha estudiado esto. Mais il est probable qu'il y ait des perturbations, en tout cas c'est ce qu'on observe cliniquement, même à d'autres étages. En este estudio, lo que dice Manu es que solo han mirado la repercusión sobre el mismo nervio del lado contrario. Pero teniendo una disfunción de este tipo, en clínica lo que nos viene a la experiencia nos viene a decir es que las repercusiones pueden ser provocadas a no importa qué otro nivel. ¿Habéis entendido esto? Mm-hmm. On verra, de toute façon, il y a une étude qui nous montre ça aussi. Y después os va a enseñar un estudio que demuestra esto que está. Mais ça permet ça déjà de comprendre pourquoi dans beaucoup de traitements d'entorse. Es por lo que podéis entender bien que muchos tratamientos sobre los esguinces on garde les séquelles, ça se remet pas bien. Van a mantener secuelas, no se va a recuperar bien ese tobillo. Que c'est impossible de se faire une entorse sans étirer le nerf. Porque es imposible hacerse un esguince sin estirar el nervio. Donc là on prend cet exemple, mais dans toutes les entorses, il faudrait faire un traitement neural. Pero ha tomado este ejemplo por tomar este ejemplo, porque en cualquier esguince se debe retomar el tratamiento neural. Et l'avantage du traitement neural, c'est qu'on peut le faire même sur quelque chose de très agile, parce qu'on reste relativement superficiel et que c'est pas, en gros, ça fait mal. La ventaja del tratamiento neural es que lo puedes hacer incluso sobre personas que están muy, muy álgicas, porque siempre nos mantenemos a un nivel superficial. Y se puede aplicar este tratamiento incluso en un lugar en el que la persona no esté álgica. Et vraisemblablement, les problèmes d'algo-neurodystrophie. Y podría ser que un problema de algo-neurodistrofia vienne plus du fait qu'on n'ait pas régularisé le côté neural. Podría venir porque no se ha regularizado el aspecto neural. Que du fait qu'on ait marché trop tôt. Les raisons qui sont données. Más que sobre las razones o las explicaciones que se han dado hasta ahora, por ejemplo, que se ha caminado demasiado pronto, etc. Et oui, si on fait tout ça alors que le terrain neural est perturbé, ça va le faire flamber. Sí, de acuerdo, podría ser que se produzcan todas las situaciones que se han propuesto como hipótesis para provocar un problema algodistrófico, pero sobre todo si se han producido sobre un terreno neural disfuncional. Puisque on verra plus tard, mais là on est sur des nerfs moteurs. Aquí estamos siempre hablando sobre nervios motores. Mais les nerfs moteurs sont en lien avec la chaîne neurovégétative. Pero los nervios motores están siempre en relación con la cadena neurovegetativa. En fait, il faut voir le système neural dans son ensemble. Porque el sistema neural siempre se debe ver desde el conjunto. Et pas comme on l'a appris, le côté moteur, sensitif, sympathique et qui est séparé, c'est pas vrai. Y no como se nos ha enseñado siempre, cortando en pequeños trozos el aspecto motor, el aspecto sensitivo, el aspecto neurovegetativo. Donc voilà, est-ce que l'entorse est une dysfonction ligamentaire? Entonces, el esguince es una disfunción ligamentosa o ligamentaria ou neurale? O neural. Et en fait, c'est toujours les deux. Entonces, de hecho, la respuesta es que es siempre los dos. Mais hiérarchiquement, pero jerárquicamente, en fait, un ligament, ça sert pas à tenir. Non, ouais. Pero de hecho el ligamento no sirve para sostener. Le ligament, il est là pour informer. El ligamento está ahí. Un étirement. El ligamento está ahí para informar que está habiendo un estiramiento. C'est en ce sens-là qui tient l'articulation. Es en ese sentido que sostiene la articulación. C'est pas assez puissant un ligament, d'ailleurs ça casse très facilement. No es tan potente un ligamento, de hecho se rompe. C'est peu étirable. Es muy poco extensible. Avec beaucoup de capteurs. Con muchísimos captores. Pour dire dès qu'il y a un mouvement, hop, ça informe, c'est la proprioception. Y de hecho es así para cuando haya un mínimo movimiento, informar de que está habiendo movimiento en esa articulación. Es lo que vosotros conocéis como propriocepción. Parce qu'en fait, il faut pouvoir réagir avant qu'on soit dans le phénomène d'entorse. Porque de hecho lo que debemos el cuerpo debe reaccionar es antes de que se produzca el fenómeno de l'esguince. Parce que vous avez tous dû apprendre que si on mesure le temps de conduction des muscles qui tiennent la cheville, lo que debemos saber es que si medimos el tiempo de conducción de los músculos que controla o que sostiene el tobillo, ça va pas assez rapidement pour empêcher l'entorse. No son tan rápidos esos músculos, su tiempo de reacción no es tan rápido como para impedir que se produzca el esguince. C'est pour ça qu'il faut être au courant bien avant pour que le corps stabilise, pour pas qu'on soit dans un phénomène. Es por eso que es importante que el cuerpo pueda tener mecanismos de anticipación para evitar que se produzcan los mecanismos lesionales. Donc un nerf. Es un nervio. Donc si on allonge, si on étire le nerf. Si se estira un nervio. En fait, il va pas s'étirer de manière linéaire. Un nervio no se va a estirar de forma lineal. Si là on a regardé sur l'élongation neurale lors de l'extension du coude suivi de l'extension du poignet. Lo que se hizo es un estudio sobre la elongación neural durante la extensión del codo y después la extensión de la mano. Donc en fait, ça vient que les traitements dits les traitements neuraux sont connus sur des extensions, sur des extensions du bras, de la jambe. Esto viene porque los estiramientos que se llaman neurales, sobre todo, se han aplicado en fenómenos de extensión, estiramiento del superior, o estiramiento de todo lo que es el miembro. Nous, on va pas utiliser ce type de traitement. Nosotros no vamos a utilizar este tipo de tratamiento. Expliquer, bon, puisque nous notre intérêt c'est d'agir sur le nerf nervorum, donc on n'a pas besoin de faire ces étirements. Porque nuestro interés es trabajar sobre el nervio nervorum, no sobre este tipo de estiramientos. Et surtout que bon, quand on commence l'étirement là, à ce niveau-là, ça étire de manière importante, mais avec peu de force. Porque inicialmente vamos a provocar un estiramiento y en la primera fase vamos a tener muy poca fuerza. Mais après, on va donc augmenter la force et la puissance qui est produite sur le nerf. Después, cuando se sigue con el estiramiento, se va a aumentar progresivamente la fuerza de estiramiento que se aplica sobre el nervio. Y là, quand on est dans l'extension maximum, y entonces, cuando se llega a la extensión máxima, là, on est proche de la rupture du nerf, hein, ahí estamos cerca de la ruptura del nervio. Alors, si le nerf est sain et tout va bien, si el nervio está sano y todo va bien, on peut, hein, vous pouvez essayer chez vous. Podéis intentarlo todo el mundo, el brazo derecho arriba. Donc d'abord, allez-y doucement quand même. À faire muy suave. Donc on étire le bras, ensuite on étire le poignet. Certains vont commencer à sentir que peut-être ça cogne un peu. Alguno podría notar ya alguna sensación. Et pour ceux qui ne sentent rien, vous pouvez en plus. Y para los que no sentáis nada, hacer una lateroflexión del cuello. Restez pas longtemps comme ça. Hein. No os quedéis mucho tiempo así. Podéis notar quemazón, podéis notar. Ah, il peut rester des petites choses. Y podéis quedar parestesios. Donc, si on sait un peu lésionner, le fait de faire ce trait, cet étirement peut aggraver parfois le. Si la persona está disfuncional, el hecho de hacer este tipo de tratamiento puede provocarle realmente disfunciones mayores. Surtout si on a une lésion qui commence à être des fibres qui peuvent être un peu recues. Sobre todo si empiezan a haber disfunciones sobre las fibras. C'est le problème un peu des traitements basés sur l'étirement. Es el problema de algunos tratamientos basados sobre el estiramiento. Nous, on va utiliser l'étirement pour faire le diagnostic. Nosotros vamos a utilizar el estiramiento para hacer un diagnóstico. Mais le traitement va pas être l'étirement. Pero el tratamiento no va a ser el estiramiento. Donc partout dans le corps, vous avez donc les nerfs sont placés pour avoir une réserve de mouvement, hein, ils vont bouger. En todo el cuerpo vais a encontrar que los nervios tienen una reserva de movimiento. Quiere decir que el nervio tiene cierta capacidad de ser extendido. Hein, le nerf, ça bouge. El nervio se mueve. Puisque il n'est pas très extensible, donc. No es muy extensible, por lo tanto, debe poder moverse. Voilà. Donc là, on voit la différence de position avec. Donc au niveau cervical, lors d'une flexion ou d'une extension de la tête. Mirad, aquí tenéis la posición de la médula en las diferentes situaciones de flexión y extensión de la cabeza. Vous voyez, là on a un coude, là. Aquí tenéis un codo. Et là, vous voyez que c'est tendu. Y aquí está estirado. Ah, puisque là on est en flexion, on étire l'arrière. En flexion, se estira la parte posterior. Et en extension, ça relâche. Y en extension, se relaja. Et vous voyez, là, il y a de l'espace. Ici, mirad el espacio. ¿Lo veis? Donc, ce qui explique que quand, par exemple, en étirant au niveau de la tête, on peut très bien déclencher une douleur de sciatagie, par exemple. Es por eso que, por ejemplo, haciendo una flexión de cabeza, podríamos desencadenar un problema, un dolor, por ejemplo, de tipo de sciatagia. Est-ce que vous avez tous déjà touché un nerf? ¿Todo el mundo ha tocado un nervio ya? No. ¿Es que quelqu'un a déjà touché un nervio? ¿Alguien ha tocado un nervio? Sí. ¿Oui? Hay un très facile. Alors, en fait, un nervio, c'est au niveau palpatoire, c'est comme un tendón. De hecho, un nervio a nivel palpatorio es como un tendón. Alors, le problème, c'est que superficiellement, en général, c'est des filets très fins. Normalement, à niveau superficiel, c'est muy, muy fino. Donc, ceux-là, on n'arrive pas à les sentir. Mais il y en a un très facile chez tout le monde à palper. Muy, muy fácil a palpar en todo el mundo. Si vous ne l'avez jamais palpé, vous avez sûrement, à un moment dans votre vie, vous l'avez senti. Si jamais vous ne l'avez pas fait, mais vous le sentir. Si no lo habéis palpado nunca, seguro que lo habéis sentido. C'est celui qui est là. Es el que está aquí. Ah, vous l'avez tous cogné. El puesto de la música. Donc, vous allez ici, là. Vous passez votre doigt comme ça, là. Vous sentez un tendon. Aquí, por el total de dos. Y para ahí hay un músculo que pasa, para todo un músculo. Pero aquí no hay ningún músculo que pasa, es un nervio. Y eso que es el dis, ese es el nervio. Y si vous le titillez un peu, vous allez sentir. Y si toqueteáis un poco. Bougez votre bras, vous pouvez le mettre comme ça. Vous si no cantáis, no estáis en el buen sitio. Donc voilà, là vous voyez, on sent quelque chose et vous avez beau cérébralement, vous allez voir, c'est pas un tendon. No es un tendón, vais a notar una estructura mais que salta. C'est comme un tendon. Pero es como un tendón, ese es el nervio. Celui-là on a la chance, il est assez gros. Si tenéis suerte, es muy gordito y lo podéis notar muy bien. Il est facile parce qu'il y a de l'os dessous, donc on peut l'avoir bien. Entonces, pero relâchez votre bras aussi. Si relajáis el brazo y veis, notáis en el nivel del hueso, podéis notar. Et on verra sur le pied très souvent. Sur le pied, vous, on va vous voir. Chez beaucoup de gens, on voit le fibulaire superficiel. Alors, ça on verra en pratique tout à l'heure. Ah, maintenant, la main, on ne peut plus. No está traducida. Y este cuadro de todas formas en la 2 y en la 5 la tenés traducida, ¿eh? Sí, lo digo porque hay palabras que son súper complicadas para mí hacerlo verbalmente. Lo digo porque hay algunas que son súper. Donc tu ne traduis pas? Oui, non, oui, je traduis, oui. Non mais bon, ça c'est un questionnaire qui est validé. Este questionnaire está validado para el dolor, para la persona de dolor. Il s'appelle DM4 parce que à partir de 4, un score de 4 dans ce questionnaire, on considère qu'il y a une douleur normale. Se llama DN4 porque a partir de una puntuación superior, igual o superior a 4, se supone que y la douleur, que c'est une douleur neurale. Es un dolor neural. Es dolor neural 4. Es una puntuación mayor o igual a 4. Significa que tiene un problema neural, dolor neural. Donc il y a 10 caractéristiques. Hay 10 características, 10 respuestas posibles. Donc, bon, pour en citer quelques-uns, les plus classiques. Parmi les plus classiques, el tipo quemazón. Décharge électrique. Descarga eléctrica. Les picotements. Picoteos, hormigueos. Ou alors des modifications de sensations. Modifications de sensations, que ce soit au tact ou à l'ouïe. Et aussi la douleur qui est augmentée au frottement. Y por ejemplo, dolor que aumenta simplemente con el contacto, con el roce. Donc voilà, un score supérieur à 4, c'est un diagnostic de douleur neuropathique. Una puntuación igual o superior a 4 es un diagnóstico de dolor neuropático. Y es validé également en español. Y este cuestionario está validado en español. Donc c'est un sensibilité spécificité, ça veut dire donc il est très haut en sensibilité et en spécificité. Este cuestionario es muy específico y también va sobre las Alors je vais expliquer en fait ces deux termes. Son dos términos. Donc en fait, ça veut dire quand on a les deux critères comme ça que cuando tenemos los dos criterios de esta manera, que si on a un score supérieur à 4, on a une douleur neurale. Si tenemos una puntuación igual o superior a 4, tenemos un dolor neural. Et si on a une douleur neurale, on a forcément un score supérieur ou égal à 4. Y si tenemos un dolor neural, forzosamente vamos a tener una puntuación igual o superior a 4. Donc ça marche dans les deux sens. De hecho, funciona en los dos sentidos. C'est ça le côté sensible et spécifique. Esto es lo que, o sea, lo que significa el aspecto sensible y específico. C'est-à-dire que ça montre bien qu'il y a ça. Demuestra bien que hay esto. Et il y a bien que ça, quoi. C'est vraiment. Y que solo es, o sea, es muy específico para este tipo de. Et là, on est à donc, 83% et 83%, ce qui est, 90% et 83%. Ce qui est très élevé. Hein, c'est, muy élevé. C'est assez rare, hein, il y a quasiment aucun test qui est à 100%. C'est très rare que un test llegue à 100%. C'est très, très, très complet. Il y a beaucoup de tests cliniques, là, on va vous dire, elle est à 50-60%. Il y a beaucoup de tests cliniques que son valoration est à 50%. Y eso no impide que sean utilizables. Entonces, este llega al 83% y al 90%. C'est pour ça aussi qu'il faut toujours utiliser plusieurs tests et ne pas se fixer sur un seul. Es por eso que tenemos que utilizar esos tests y no solo utilizarlos sobre uno. Chaque réponse, c'est la respuesta Oui, souvent la douleur neurale, enfin voilà, c'est ça, c'est ce côté décharge électrique, enfin voilà, c'est comme ça, je ne sais pas. Dice que sabéis que l'aspecto del dolor neuropático puede expresarse de muchas maneras, por lo tanto las respuestas pueden ser numerosas. Dans beaucoup de douleurs, on ne fait pas attention, mais il y a ces paramètres, et ça vous oriente en vous disant il y a du neural. Estos parámetros es muy interesante tenerlos en cuenta porque os va a orientar mucho hacia la disfunción que tiene el paciente. Mais je dirais que de toute façon nous on va toujours aller à la recherche du côté neural. Nosotros vamos a ir siempre en busca de investigación del aspecto neural. C'est pas ce questionnaire qui va nous orienter, mais on le fait directement. No es solo este cuestionario que nos va a orientar, nosotros ya lo vamos a investigar directamente. Alors, les traitements, le traitement neural n'est pas quelque chose de nouveau. El tratamiento neural no es algo nuevo. Ça existe depuis très longtemps. Existe desde hace muchísimo tiempo. Ça revient à la mode maintenant. Ya actualmente está de moda. Mais c'est quelque chose de très ancien et qu'on a amélioré. Mais donc, dès 1872, donc, un chirurgien allemand, il faisait une libération. Donc il libérait les tissus enveloppant le nerf, donc là on était sur du chirurgical. Estaba en un ambiente quirúrgico y lo que hizo fue liberar los tejidos que envolvían al nervio. Et ensuite il faisait une traction directe manuelle, soit avec la main ou avec un crochet. Entonces lo que hizo fue una tracción directa manual o bien con un gancho. Donc là on était dans le côté étirement du nerf pour le refonctionnaliser. Entonces lo que hizo fue un aspecto il faisait un étirement. Hizo un estiramiento para liberar el pecho. C'était des traitements par étirement. Hizo un tratamiento por estiramiento. 1880, alors c'est l'approche non semblante des sciatiques. Donc c'est non chirurgical. Ah, vale, porque no era quirúrgico. Donc il faisait quoi? Plier la cuisse sur le corps, le genou arrivant en montant, en fait, il faisait plier et étendre la jambe. Lo que hicieron fue doblar la pierna sobre el cuerpo. Dans l'idée que le nerf était un peu bloqué, donc dans l'idée de le débloquer. Con la idea de, bueno, el nervio está un poquito bloqueado, pues vamos a desbloquearlo, por tanto llevar la rodilla hasta la rodilla. Hein, ce qui a amené à ce que vous connaissez tous, le lacet, qui est l'étirement de la jambe tendue. Entonces, en esta comprensión, podéis entender bien la maniobra de la sed. Et donc ça, ça, cette manœuvre, ça allonge le nerf sciatique de 2,5 cm. Esta maniobra estira el nervio ciático en un cadáver hasta 2,5 cm. Mais raisonnez maintenant un peu à l'envers. Estira 2,5 cm. Oui. Raisonnons un peu à l'envers. Razonar un poquito a la inversa. Si j'ai un nerf qui est dysfonctionnel, si yo tengo un nervio que está disfuncional, le corps va le protéger. El cuerpo lo va a proteger. Donc, va éviter qu'il s'étire. Va evitar que se estire más. Donc, par exemple, j'ai un patient en flexion. Tengo un paciente con flexion. Réfléchissons avant de vouloir lui enlever son flexion. Pensar antes de querer quitarle su flexion. Ne serait-ce pas une protection du nerf? No será una protección del nervio. Parce que sinon, si on essaye, on lui met des semelles pour le remettre droit et que sa jambe elle revienne droite. Pensar que si vosotros, vuestro propósito es devolverle la extensión a su pierna, on va peut-être justement réirriter ce nerf. Lo que vamos a hacer quizá es réirritar, volver a irritar a este nervio. Et si on l'empêche de s'adapter localement, y si no le dejamos que se adapte localmente, va voir s'adapter ailleurs. Se va a adaptar por otra parte. C'est ce qui passe derrière le genou. Es lo que pasa detrás de la rodilla. C'est une branche du sciatique. Es una rama del sciático. Alors peut-être que bah, je vais m'arranger pour détendre plus haut. Et quizás si lo que hacemos es quitar el flexion de la rodilla, lo que va a provocar es una disfunción más arriba para relajar el sciático más proximal. Alors je viens pour une pathologie de genou, je ne sais pas, une patte d'oie, un ménisque, peu importe. Pathologie, j'ai mal au genou. Yo vengo por una patología de la rodilla, quizá tengo una pata de ganso, un menisco, no importa, tengo un problema de la rodilla. On met des semelles. Me ponen las rodillas. Super. Las rodillas están de coña. Et derrière, j'ai une lombalgie. Y después yo tengo una lombalgia. Ah, no, no es disculpa. Si yo estoy pensando, ¿no? La prueba, o sea, la forma de salir bien. En el momento de que si yo le quiero tratar la rodilla, le pongo su M o lo que sea, si hago el test, pues me saldría bien, ¿no? ¿Cómo pide la cuestión? Presque. Él dice que si él ha sucio, él ya por el genio, les tests, oui. Et les tests sont bien avec les semelles, alors oui. Oui, mais là je parle de cas où quelqu'un qui ne fait pas la posturologie, qui fait habla, pas tous ces tests. Habla de gente que, por ejemplo, no haga la posturología, que no haga todos estos tests. Hein, on va dire, la réflexion, en réflexion podologie classique, on va regarder, bon, on va essayer de l'améliorer. Vamos a intentar mejorar la manera de reflexionar a nivel clásico que siempre ha sido. Sans avoir des tests qui interrogent l'ensemble. Entonces vamos a aplicar tests que interrogan al conjunto. Pero no es para alguien que haga la psicología. Si effectivement vous faites des tests, normalement vous allez voir qu'il y a un problème. Si vosotros hacéis los tests, vais a ver evidentemente que hay un problema. En fait, on vous apprend. Moi qui ai mal au genou, qui ai mal à l'oreille, toujours le même examen clinique. Para él, una persona que tenga un problema de rodilla, de dedo gordo o de dolor de oído, siempre va a tener el mismo examen. Ne se focalise pas sur la zone. No se va a focalizar sobre la zona. Y donc, vous voyez, historiquement, on était sur d'abord le côté étirement. Historiquement, on va estar sur l'aspect d'étirement. Et ensuite, on arrive là à des traitements par friction, compression, percussion et surtout des pressions profondes du nerf. On va aller appuyer sur le nerf. Vamos a ir sobre otro tipo de tratamientos como fricciones, compresiones, percusiones y sobre todo presiones profundas del nervio. Donc en ostéopathie, le traitement neural existait aussi et est très ancien. En ostéopathie, la conducción del nervio es muy antigua. Se realiza desde hace mucho tiempo. Vous avez là, par exemple, une stimulation du nerf trijumeau. Tenéis la estimulación sobre, por ejemplo, sobre el nervio trigémino. Pues si vous vous rappelez, mais bon, le nerf trijumeau, en fait, trijumeau parce qu'il y a trois branches. ¿Os acordáis que el nervio trigémino tiene tres ramas? Mais le ganglion du nerf trijumeau, il est à l'intérieur de la tête. Il est là à peu près en avant de l'oreille. El ganglio del trigémino está dentro del cráneo, está más o menos delante del oído, pero por dentro. Aller stimuler le trijumeau, il faudrait rentrer dans le crâne, c'est pas facile. Y para estimular el trigémino no es muy fácil entrar dentro del cráneo, Mais en fait, il y a des rameaux qui émergent sur toute la face. Pero tenéis que saber que sí que hay ramas que emergen hacia la cara. Et l'avantage qu'on a vu, quand on stimule un nerf, ça a une répercussion sur l'ensemble du système. Y lo que tenéis que saber, lo que ya sabéis, es que cuando estimulamos una rama, es que podemos tener una repercusión sobre el conjunto del sistema. Donc en agissant sur les rameaux superficiels, entonces, on a un effet profond. Actuando sobre una rama superficial, podemos tener un efecto profundo. No hace falta hacer como los egipcios. Et par une stimulation périphérique, distale, on peut avoir un effet sur le proximal et sur l'ensemble. Podemos tener un efecto sobre lo proximal y sobre el proximal. Et donc nous, on va le faire à partir du pied. Et là, on a tous les rameaux qui émergent sur l'ensemble du pied, on verra ça. Et on pourra avoir un effet important sur, pas sur tout, mais enfin sur quand même le cheveu. Donc là, c'est les exemples de photos qu'on avait, donc le trijumeau, le nerf phrénique. Tenéis los ejemplos del trigémino y del nervio frénico. Y connu même bien avant l'ostéopathie. Y todo esto se conoce muchísimo antes incluso que la osteopatía. Après ça s'est un peu perdu. Después se ha perdido un poco. Et style l'inventeur de l'ostéopathie n'y est pas pour rien. Dans le fait que ça soit perdu. Style fue un poco el artífice de que esto se perdiera. Parce que Steele, il a... Steele era el que inventó la osteopatía, el que le dio nombre a la osteopatía. Oui, et surtout, il tenait à ce que on garde cette philosophie de traitement global. Si miráis lo que es su filosofía de tratamiento global. Et il ne voulait pas que ces techniques qui sont données pour chaque nerf. Él no quería que estas técnicas que se conocían para cada nervio soient utilisées comme les recettes, les techniques AG mal là, je vous appuie sur tel nerf. No quería que se, o sea, no le interesaba que se continuara con la tradición de este conocimiento porque se podía pensar que podía ser como un tipo de receta. Tienes un problema aquí, voy, te toco aquí y arreglo el problema que tú tienes. C'est pas ce qu'il faudra que vous fassiez non plus. Y es lo que vosotros tampoco tenéis que hacer. C'est pas parce que j'ai une entorse et que j'ai vu, ah bah oui, j'ai une entorse, je traite le fibulaire profond. Non. No, no es este razonamiento el que tenéis que tener, pero sí los conocimientos. O sea, no porque tengáis un esguince tenéis que ir a tratar el fibular profundo. Il va à chaque fois falloir faire un testing d'ensemble. Cada vez vais a tener que hacer un testaje de conjunto. Et c'est le corps qui va vous dire quel nerf traiter. Igual, el cuerpo es el que os va a responder cuál es el nervio que hay que tratar. Pas le symptôme. No el síntoma. Parce que c'est là où justement on se fait piéger et on commence à pas avoir les bons résultats. Porque ahí es donde nos podemos encontrar los errores y sobre todo donde podemos empezar a tener malos resultados sobre nuestro tratamiento. On va faire, si on fait comme ça, on va faire plein de traitements. Qui vont finalement perturber le système. Si reaccionamos de esta manera, vamos a hacer un montón de tratamientos, pero lo único que vamos a conseguir es perturbar el sistema. Alors, allons voir un petit peu les nerfs du pied et de la cheville. Vamos a ver un poco los nervios del pie y del tobillo. qui va nous intéresser principalement, c'est donc le côté plexus sacré. Oui, il y a le lombaire, mais il y a peu, mais donc, en gros, ce qui va s'occuper du membre inférieur. Nos va a interesar sobre todo el plexo sacro porque es el que se va a ocupar sobre todo del miembro inferior. Alors, donc, le plexus sacré, c'est en dessous du genou, c'est tout du plexus sacré. Por debajo de la rodilla es todo el plexo sacro. Sauf un nerf. Salvo un nervio. On verra après tout à l'heure qui est sensible. Que veremos después que es sensible. Donc, si on regarde au niveau du pied, on est sur du plexus sacré. Entonces, si miramos a nivel del pie, estamos sobre el plexo sacro. Qui est, en fait, ce sont les branches terminales du nerf sciatique. Que son las ramas terminales del nervio sciático. En anatomie, c'est compliqué. On donne des noms différents à une même structure suivant où elle se situe. Mais en fait, tout ça, c'est du sciatique. En anatomía es complicado porque se dan nombres diferentes en función de donde te sitúes. Pero tenéis que tener muy claro que son ramas terminales del pie. Estamos sobre el pie. Donc voilà ce nerf sciatique. Aquí tenéis el nervio ciático. Donc est assez gros, hein, il fait 1 cm de diamètre. Es muy gordo, hace 1 cm de diámetro. Mirad vuestro dedo gordo. Ah, vous voyez que celui-là, on le trouve gros déjà, mais c'est petit par rapport au sacre. Vosotros recordaros cuando habéis tocado el cubital, que lo habéis notado gordito, pues imaginaros el ciático, que es un tocho. Donc, le côté, donc, plexus sacré, on a dit ça va aller jusqu'au pied. Hemos dicho que el plexo sacro va a ir hasta el pie. Pour la partie, donc, du bassin et du plancher pelvien. Para la parte de la pelvis y del suelo pélvico. On va être sur la partie basse du sacré et plexus coccygien. Vamos a tener la parte del plexo sacro bajo, la última parte, y el plexo coccygien. Donc avec des nerfs dont on parle beaucoup maintenant, le nerf pudendal. Tenemos el nervio pudendo, que se habla mucho de él últimamente. Bon, mais ça ne va pas être le sujet là pour l'instant. Y no va a ser objeto de estudio para ahora. Alors, donc ce nerf sciatique. Entonces, este nervio ciático. Je ne sais pas si vous m'en souvenez. Ah, bah, si. Donc, il y a L4, L5. Tenemos a L4, L5. Parfois un petit rameau de L3 aussi. A veces una pequeña rama de L3. Ouais, ouais, parfois, ouais. Bon, de toute façon, c'est jamais. Lo que tenéis toujours que tener claro es que todo nunca es exhaustivo. O sea, no es así, así, así. La anatomía es muy cambiante, es en función de la persona. Mais bon, L4, c'est plutôt L4, L5. Por convención, vous savez que c'est L4, L5, eso es seguro. Et puis, donc, S1, S2. S1, S2. C'est pareil, ça peut être S1, Donc, le sciatique, en gros, jusqu'au tiers inférieur du fémur, bon, el ciático viaja, hace un viaje maravilloso por detrás de la pierna y llega al tercio inferior del fémur, y ahí se divide. Le sciatique, et après, il y a des divisions. Donc, notamment, on a commencé à en parler, ce qui se divise là, ça va être les nerfs fibulaires. Entonces, la primera ramification sería el fibular común o peroneo común. Voilà, qui va après donner ses deux branches superficielles. Que después va dar sus dos ramas que recordar que son el superficial y el profundo. La continuité disciatique dans la loge postérieure de jambe, il va s'appeler le nerf tibial. La continuación del nervio ciático se va a llamar nervio tibial, que va a inervar todo el compartimento posterior de la pierna. Voilà. Les autres rameaux, on verra un petit peu après. Y después veréis que tiene otra rama, que hablaremos después. Pour l'instant, ça va être les deux gros troncs, nerf fibulaire, nerf tibial. Ahora lo que hemos visto son las dos ramas más importantes, más gorditas, que es el tibial y el fibular. Donc, il arrive de l'arrière et il va passer en arrière de la fibula. Entonces, el fibular común va a ir desde atrás hacia adelante, pasando por detrás de la cabeza del peroné. Et là, donc, il va revenir devant. Y en ese momento se va a ir hacia adelante, hace un quiebro para irse hacia adelante. Et se séparer en deux rameaux. Y se va a bifurcar en dos ramas. Donc, un qui va rester latéral. Una rama que se va a mantener lateral. Qui va être le nerf fibulaire superficiel. Que es la rama fibular superficial o peroneo superficial. Et l'autre qui va donc passer devant et aller dans la loge antérieure, qui va être le fibular profond. Y otra rama que se va a ir hacia el compartimento anterior, que es el peroneo profundo o peroneo profundo. El fibular profundo o peroneo profundo. Donc voilà une autre vision. Aquí tenéis un esquema para que lo tengáis claro. Alors, voyez, on va parler du profond. Il va donc rentrer ici dans la loge antérieure en profondeur. Entonces, el profundo va a entrar en profundidad en el compartimento anterior. Et il va ressortir ici. Y él va a volver a salir, a emerger como un submarino. Là. A que os queda claro. Moi je dis un dauphin. Ah, elle dit un delphine. Es más fino. C'est des guerrières. Sí. Sinon, es como el del japonés, que hace así, más, un poco más asqueroso, pero es más el ejemplo. Bah, en fait, là c'est le sous-marin. Là c'est? Là c'est le sous-marin. Sí, es más un sous-marin. Ah, ici, à ce moment-là. Es un sous-marin. Après, il va rentrer de nouveau un petit peu en profondeur sur le dessus. Después va a volver otra vez a meterse para adentro, para la parte profunda del pie. Et là, au niveau du premier interespace, du premier espace. Y a nivel del primer espacio de los dedos interdigital, va a volver dauphin. A sacar la cabeza. Là, c'est le dauphin qui va. Sí, el delfín va a buscar la tira el salchichón, no, perdón, las sardinas. En el detalle de profundo es que no sé si llega a traspasar la membrana interosa, si es correcto. Porque he oído que sí hacia posterior, pero de arte. No, no, responde la loge anterior. No, se queda en el compartimento anterior. Ya de ramos que van a ir en la membrana. Hay ramas que van a enervar la membrana interosa, pero no va. Pero el nivel muscular, y resta. Todavía el muscular se queda de arte. No, este no se va a pasar. De toute façon, bon, je dirais, pas besoin d'avoir une connaissance trop poussée. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va pouvoir palper. Lo que nos va a interesar es lo que podemos palpar, no un conocimiento exhaustivo de todas las ramas y recovecos que hacen los niños. Parce que ça pourrait être intéressant pour connaître des pathologies, mais en fait, grâce à l'étude palpatoire, on va savoir quoi traiter en quel cas. Es interesante tener todo el conocimiento para todo el aspecto patológico de las patologías que nos podemos encontrar, pero sobre todo lo que nos va a interesar es a nivel palpatorio, porque así podemos saber dónde y cómo tratar. Donc, pareil, là les muscles vous donnent ceux qui vont être les plus intéressants. Aquí tenéis la relación de músculos que son aspecto. Alors, on va considérer en fait la loge antérieure. Vamos a considerar el compartimento anterior. Et sur le pied, donc le court extenseur des orteils. Y sobre el pie vamos a tener el extensor corto de los dedos. Donc c'est le seul muscle qu'on va pouvoir qui va émerger qui est au-dessus du cuboïde. Et c'est le muscle qui est por encima. Au niveau articulaire, donc la tibio tarsienne. Et donc comme je l'ai dit un petit peu déjà, il y a une branche sensitive qui va s'occuper du premier espace interphalangeur. Y como os había dicho antes, tenemos a nivel sensitivo el primer espacio interfalángico. Donc, vous voyez, quand vous avez en première année fait le testing de la tibiotarsienne. ¿Os acordáis de lo que hacéis en primero para testar la tibiotarsiana? ¿A que sí? ¿Y que vous... ¿A que sí? Pues. Vous avez traité, ils ont vu les saturations? Donc vous avez traité en saturation ou en Jones. Et peut-être dans certains cas, c'était pas totalement, ça traitait pas totalement, c'est possible. Y es posible que en algunos casos esto no lo solucionará del todo. Parce que bah, peut-être qu'il faut traiter plutôt le fibulaire profond puisqu'il va innerver la tibiotarsienne. Porque quizá hay que tratar más el tubular profundo, el peroneo profundo, que es quien inerva la tibiotarsiana. Donc ce que vous avez fait, c'est pas faux. Lo que habéis hecho no está mal. No sinon, on vous l'aurait pas appris. Si no, nos lo hubiéramos enseñado. Mais on peut remonter encore un petit peu dans la hiérarchie. Pero podemos subir un poquito más a nivel jerárquico. Qui fait que ça va libérer ou faciliter la libération suivante. Entonces esto lo que va a provocar es una liberación... C'est comme ça qu'on essaye de travailler, c'est au plus haut niveau hiérarchique que l'on connaît. Entonces, lo que intentamos es trabajar a nivel lo más alto jerárquicamente que se conoce, que conocéis. A cada vez vas a tener más conocimientos y vais a ir subiendo jerarquía. No seréis los. Parce qu'on ne sait jamais, il peut toujours y avoir encore mieux, encore plus. Sí, sí, porque siempre podéis tener más conocimientos y más y más y más y más y más. Pero siempre tenéis que tratar en función de lo que sepáis. Mais bon, en travaillant comme ça, en montant, vraiment, dès qu'on connaît un niveau hiérarchique, en commençant par ça, c'est là où on aura moins d'actions secondaires, moins de problèmes dans le secondaire. Si trabajáis en esta manera, vais a tener prácticamente muchas menos repercusiones secundarias. Donc voilà les territoires. Donc, los territorios del peroneo común, del profundo, perdón. La loge antérieure. Compartimento anterior. Le pedieu, donc qui est ici. El pedio que está aquí. Et la petite partie sensitive là. Y la pequeña parte sensitiva entre el primer y el segundo dedo. Hein, le... Je vais pas faire... Et en fait, juste pour commencer à rentrer dans l'idée, vous voyez tout le dessus du pied ici. Y para que empezáis ya a tener las ideas claras, toda la parte del empeine. Ça va être le fibulaire superficiel. Es la parte del fibular superficial. Donc tout le dos du pied, c'est le fibulaire superficiel. Todo el empeine es el fibular superficial. Sauf cette petite enclave là qui est le fibulaire profond. El pectoralo que hay entre el primero y el segundo. Asteris y obelix están ahí. Donc, la mer, l'océan, c'est pour le superficiel. Mais il y a un dauphin là qui. Sí, sí. Él sigue con el ejemplo del delfín, que el mar es todo el pie, todo el empeine del superficial y el delfín saca la cabeza en el primer espacio intermedio. Alors, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure sur le flexum du pied, par exemple. Comme vous a expliqué avant, l'exemple du flexum de rodilla, on peut obtenir à nivel du pied. Bah, quand on voit un pied comme ça en supination, en décharge. Si nous avons un pied en descarga, en supination. Eh bien, on peut donc imaginer que c'est dû à une hypertonie des muscles de la loge antérieure de jambe. Podemos pensar que es debido a una hipertonía de los músculos del compartimento anterior de la pierna. Et puisque cette loge antérieure, elle est contrôlée par le fibulaire profond. Y como este compartimento anterior está controlado por el fibular profundo. Et qu'en plus le fait de ramener le pied donc en supination et un petit peu de flexion, ça va avoir tendance à détendre ce muscle. Et comme llevar este pie en supination, et souvent il y a une petite flexion parce que l'hypertonie de la loge antérieure. Et à veces también hay un pequeño componente de flexión dorsal. Esto va a relajar este nervio. Donc en fait, il y a une protection, entre guillemets, une protection un petit peu de ce nerf. Tenéis que pensar que esto lo va a producir es un nivel de protección sobre este nerf. Et donc, mais ça peut, on l'a vu, ça vous l'aviez vu avant, également provenir d'une épine irritative de la pupille plantaire. Pero esta misma posición del pie puede ser debido a una espina irritativa de la pierna. Et on peut tout à fait avoir les deux. Y también potencialmente podemos tener las dos. Donc quand on voit ça, on ne sait pas ce qu'il y a. Cuando vemos esto, no tenemos ni la idea de lo que tenemos. Mais ça doit vous faire penser à hein, si vous aviez oublié. D'aller contrôler le côté neural. Entonces, esto os tiene que ya dar una idea, por si os habéis olvidado por si acaso el aspecto neural, de prótesis espinal, yo creo que no, a mirar el aspecto neural. ¿Vale? Perdona, en la posición anterior del pie, en el sprint de la fibra superficial, en los laterales y profundas. No, reducto malo. Sí, olvídate de los laterales. En peine, superficial. Aquí, profundo. Los laterales, ya lo verás. No. Está en la diapositiva. Bueno, ahora on est sur la partie micro. No hemos hablado de los laterales, hemos hablado del empeine y el primer espacio intervirular. Es que ahora on est sur l'action de la loge antérieure. El profundo es lo que ha dicho él del delfín que saca la cabeza entre el primero y segundo dedo, y yo he hablado de las del Fibelix. Y de Fix tiene ahí su casa. Alors. Ahora vais a ver un test hiper mega difícil, chungo de la muerte, así que super atención, por favor. Vale, vamos a hacer una pausa pipi stop. Ya podéis empezar a salir corriendo porque va a haber cola en el lavabo de las chicas. Sí. Así que. Un segundo, el super tetititi y después os vais a hacer el comentario. Como ya he hablado, se han hecho ganas, así que estaréis todos a punto. Alors, donc le test qui va nous permettre. El test super tetititi. Qui va nous permettre de suspecter une dysfonction du nerf fibulaire profond. Que nos va a. Hacer sospechar que hay una disfunción del fibular profundo. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour mettre en évidence une disfonction? On l'a dit, un nerf il réagit à l'extension. Hemos dicho antes que un nervio reacciona a la extensión, ¿no? Pues qué es lo que vamos a provocar, una extensión del nervio. Donc, comme on a vu le mouvement, enfin la loge antérieure, c'est plutôt une supination. Como hemos visto que el compartimento anterior tiene un componente más de supinación, ¿qué es lo que vamos a provocar con el estiramiento? Là, on va donc l'étirer en faisant une pronation et une extension. Una pronación extensión. Quand vous aurez bien en test retenez le, si vous voyez le trajet, le nerf, il émerge sur la partie médiale du pied. Si tenéis bien claro cuál es el trayecto del nervio, él emerge a nivel medial del pie. Donc, en faisant une pronation et une extension, on étire bien ce nerf. Haciendo una pronación y extensión, se estira bien ese nervio. En réfléchissant purement musculairement, la loge antérieure, elle fait une flexion et légère supination, puisque le tibial antérieur s'insère sur la partie médiale. Si réfléchissons à nivel de músculo, pensamos en qué es la función del tibial anterior, que hace una cierta flexión y supinación. Donc je veux étirer la loge antérieure. Lo único que voy a hacer es estirar el compartimento anterior. Extension, pronation. Extension, pronation. Sí. Difficile de la muerte total. Et donc, je regarde. Donc c'est toujours, c'est pas que de l'amplitude, mais c'est aussi, on sent qu'il y a une résistance à quelque chose. Lo que vamos a ver no es el recorrido. O sea, lo que no vamos a hacer es hacerle puntas de ballet. No vamos a dejar a la persona con los pies mirando para atrás. Sino ver, notar cuál es la resistencia de ese movimiento, en comparación un pie con el otro. Donc là, par exemple, on voit que de ce côté-là, bah, c'est bloqué. Veis como en este nivel está bloqueado, en este pie, el derecho está bloqueado. Donc là, je peux suspecter. Podría sospechar en este caso. Que j'ai peut-être une dysfonction du nerf fibulaire profond à droite. Entonces diríamos que tendríamos una disfunción del fibular profundo a la derecha. Ça peut être accompagné d'un douleur au niveau du genou. Ça peut, comme ça peut pas. Sí, como si mon volante puede haber dolor o puede no tener dolor. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. No es lo que nos interesa. La douleur, elle n'a d'intérêt que si elle existe, de voir qu'éventuellement après ma stimulation, il n'y a plus de douleur. El único interés que nos da la información del dolor es saber si antes de estimular había dolor y después no lo hay. C'est un élément supplémentaire, mais ça me... Es un elemento supplementario. Ça me dit rien et très souvent dans ces tests-là, il n'y a pas forcément de douleur. Si, forzosamente, cuando haces el test, no hay dolor. Hay una limitación de movimiento. Sí, para esta función titular, profundo es superficial, porque profundo. Pour l'instant, on va parler que du profond. Hemos hablado del profundo. Para el superficial, créetelo que luego te lo describo. Pour l'instant, le superficiel, j'en ai parlé au début pour... Vous avez parlé un peu du superficiel, parce que c'est son primo hermano, mais oubliez... Tout ce que je dis pour l'instant, c'est le fibulaire profond. Mais c'est seulement le fibulaire profond. Mais vous parlez du niveau sensible, du niveau superficiel, du niveau de... innervation de piel. Sensitiva. Él está hablando ahora de inervación motora, muscular. Entonces, aunque sea el dorso del pie, tú olvídate que luego cuando te explique el superficial te vas a enterar de todo. Voilà. Ah, por l'instant, pas trop réfléchir non plus. No penséis demasiado. Ahora mismo enfocaros en hacer el pipí con calidad de tu lado. Cuando habrá l'ensemble, oui. Avant, tu as dit que s'il y a une dysfonction sur un pied, la conduction d'un pied, on a la dysfonction sur l'autre pied, mais avec ces tests, on aura la dysfonction sur l'autre pied. Non, mais il faut. Quand même, je vais. Voilà, néanmoins, même s'il peut y avoir une répercussion de l'autre côté, à chaque fois qu'on a un problème neural, on n'est pas bloqué partout. Et même s'il y a, sur le plan de la structure et de la conduction nerveuse, une modification de l'ensemble, si existe una modificación a nivel de la conducción nerviosa, La disfunción no está partout. La disfunción no está en todas partes. O sea, tienes una disfunción sobre un nervio y la repercusión es sobre la conducción nerviosa, lo que acaba de decir. Et donc, là, ça va nous amener pas à tout ce qui est perturbé, mais à l'endroit où il faut traiter. Y esto no nos va a llevar hacia la... nos va a llevar hacia la disfunción sobre la que hay que trabajar, no sobre las repercusiones. En fait, il est très probable, de hecho, es muy probable que quand on va traiter, que cuando se va a tratar, on va gagner des deux côtés. Vamos a ganar incluso de los dos lados. Mais en fait, il y en a un qui est vraiment Pero sobre todo hay una que está mucho más bloqueada. C'est comme ça qu'on va pouvoir savoir où traiter. Es así como vamos a saber tratar. Et c'est important de commencer par là. Y es muy importante empezar por esto. Que on verra après, on va être de plus en plus spécifique. Porque después vamos a ir cada vez mucho más, de una manera mucho más específica, concreta. Mais si on commence par le côté spécifique, on trouve des dysfonctions partout. Si empezamos desde el punto de vista específico, vamos a empezar a encontrar disfunciones por todas partes. No vamos a cargar a todos los pacientes, todos a la vez. Y on va pas savoir où traiter, en fait. Y no vamos a saber dónde tratar. C'est pour ça que c'est important de le faire bien dans l'ordre. Es muy importante por eso hacer bien los tests en el orden que se marca. C'est comme si je fais un examen musculaire, on va dire, de tout le corps. Es como si yo hiciera un examen muscular de todo el cuerpo. Il y a des petites tensions un petit peu partout. Seguro que voy a encontrar pequeñas tensiones por todas partes. Mais elles sont pas toutes la même importance et il faut pas forcément tout traiter. Todas no tienen la misma importancia ni es imperioso tratarlas todas. Et c'est pas toujours l'intensité de la douleur éventuelle qui va dire que c'est la disfonction la plus importante à traiter. Y no es la intensidad del dolor actual quien nos dice la importancia del aspecto a tratar. ¿A que sí, Jorge? Vale, una pausa. Pausa, Pipi. Venga, se abre la tela.